Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr, c'est la rentrée des podcasts. Nous commençons cette nouvelle saison avec le mag, comme chaque année, le mag numéro 51 qui montrera notre retour aux affaires. Un mag, vous allez le voir assez rapidement, très différent, toujours l'actu du côté des comics, de la télé, du cinéma, mais traité de manière un petit peu différente. Je suis Mathieu et vous allez écouter le mag numéro 51. Et avec moi cette semaine pour cette nouvelle saison, la troisième qui commence aujourd'hui, Arnaud, salut, Clément, salut, et Léo. hello. Et je m'aperçois qu'est-ce que j'ai pas dit une connerie, c'est la quatrième saison. Oui, déjà? Oui, c'est la quatrième qui commence, parce que c'est la cinquième année du site, on avait commencé avec un an de décalage, donc c'est la quatrième saison qui commence aujourd'hui avec ce mag numéro 51 et notre retour aux affaires. On va prendre quelques secondes pour parler de cette rentrée un petit peu chez nous, puisque vous l'avez peut-être vu, ça bouge un peu. L'équipe a été renforcée, l'équipe de manière écrite, j'ai envie de dire, a été renforcée principalement, puisque nous avons été renforcés par deux reviewers qui couvrent à eux deux l'intégralité de l'offre kiosque en VF, ce qui est quand même pas mal, et même quelques titres en librairie et qui vont du coup me donner un sacré coup de main en ce qui concerne les reviews. Si vous souhaitez nous rejoindre, hein, il y a toujours de la place, hein, pour des reviews VO, pour des news ou pour d'autres choses. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter par mail redac@comicstories.fr ou sur Facebook, Twitter, voilà. Pas de problème, il reste encore de la place, il reste aussi de la place si vous voulez donner de la voix chez nous, ce qui sera aussi hein, le cas de nos deux rédacteurs qui vont donner de la voix aussi, mais on n'en dit pas trop encore pour le moment puisqu'il se pourrait bien que ce soit pour une émission tout à fait inédite qu'on n'ait encore jamais faite. Donc voilà, chut, c'est tout ce qu'on dira. Du côté du podcast, le Mac, vous allez voir, il a aussi évolué durant l'été. Il va devenir, on va dire, beaucoup plus ludique puisque voilà, on aime bien jouer. Enfin, ces individus qui m'accompagnent chaque semaine aiment jouer, n'aiment pas perdre. Donc du coup, on va surfer là-dessus. On va tourner ça sous forme de jeu pour une partie de l'émission. Ça nous permettra de ne pas jouer que pour les Infinity Wars et pour le plus de nouvelles, donc c'est pas mal. Et puis, du côté de sur nos écrans, une nouvelle émission est à noter également, puisque à peu près une fois par mois, on vous proposera, en dehors de nos débriefs habituels, on vous proposera des émissions rétro qui auront pour but de vous parler de choses qui ont été diffusées avant que les podcasts n'existent, et donc du coup, on n'est pas censé pouvoir faire des débriefs de tout ça, mais on le fera quand même, du coup, dans des émissions rétro. La première sera consacrée dans une semaine à la série The Flash des années 90, on vous parlera au moins du pilote, et puis ceux qui auront été un petit peu plus loin pourront vous parler des épisodes suivants. Mais voilà, on va revenir un petit peu en arrière et regarder un petit peu dans le rétro, avec aussi des vieux films, hein. Il y a plein de vieux films dont on a envie de parler. Doctor Strange. Oui, le vieux téléfilm Doctor Strange, par exemple. Batman et Robin. Batman et Robin, le Nick Fury avec David Hasselhoff, que des perles, que des perles. Donc voilà, ça suivra parfois l'actualité, ça suivra parfois juste nos envies et nos délires. Donc voilà, une fois par mois à peu près, vous aurez un petit coup d'œil en arrière et ça sera ma foi bien bien sympathique. Allez, on va commencer ce mag. On va commencer comme tous les ans par les séries télé. Et c'est Arnaud qui va prendre en charge les news du côté de la télé avec les news en bref. Il y en a quelques-unes quand même, Arnaud. De quoi est-ce que tu vas nous parler cette semaine? Et surtout avec deux belles news pour démarrer. Ah oui, c'est les plus belles. Là, c'est vraiment là, vous voyez. Bien démarrer la saison. Là, c'est la rentrée. Deux belles diffusions. Voilà, il nous fallait quand même quelque chose pour la rentrée à la hauteur de l'événement. Il fallait un beau cadeau pour ouvrir la saison. C'est la diffusion de la saison 4 d'Arrow sur TF1. Donc la série prend la suite de The Flash, j'imagine, à partir du 13 septembre à 23h et des poussières, 23h25. Alors, il me semble qu'il y a une pause, hein, que The Flash est terminé. Hein. Ah bon? Il me semble, hein, mais je suis pas D'accord. sûr. Bon, pas longtemps après la fin de The Flash, en tout cas. Ce qui est un peu dommage pour les crossovers, mais bon. Oui, bon, on a bien vu l'année dernière que ça. Voilà. Après, c'était pas une grosse perte, le crossover. Non, mais bon. C'est sûr. Toujours mieux voilà. quand même. Après, voilà, c'est toujours. C'est et c'est la série prendra la suite de Blind Spot. C'est-à-dire que TF1 pense que Blind Spot va marcher. Il y a des chances. Vu le public de TF1, il y a des chances. Visiblement, ouais, ils n'ont pas trop confiance en Arrow pour la foutre à 23h25. En tout cas, c'est juste pour la mettre là. Quoi. Et alors, sachez que cette semaine du 13 septembre sera à marquer, hein, vraiment sur vos calendriers, puisque Arnaud, c'est pas tout ce que tu avais à nous dire. Ah ouais. Non, il y a une très belle nouvelle ensuite. Comme TF1, on s'en fout des crossovers, Legends of Tomorrow sera diffusé dès le 17 septembre, non pas à la suite d'Arrow, mais en prime time, hein, sur TMC, pas sur TF1. Alors, Legends of Tomorrow va être diffusé le samedi soir en prime time, c'est-à-dire la case en or pour toutes les chaînes généralistes, le prime time du samedi, Legends of Tomorrow. Mais bon, c'est TMC, donc... Oui, mais quand même. Quand même, quoi. Est-ce que ça mérite un prime? Non, mais attends, dis-toi que TMC, ils ont recruté Yann Barthès, c'était l'événement de l'année et tout, et là, Legends of Tomorrow en prime sur TMC. Voilà, allez. Il y a encore des gens qui croient c'est cette série pour la mettre en prime time, quoi. Allez, continue, Arnaud, t'as encore une autre news à nous, ouais, nous transmettre. On va continuer sur l'univers de créé par Greg Berlanti, puisque le monsieur est pas fatigué apparemment, après toutes ses séries de super-héros et Riverdale en 2017, il développerait, c'est pas encore confirmé, mais il développerait une autre série de super-héros de DC autour de Black Lightning, qui est un super-héros qui date des années 70, donc pas super connu, mais donc il développe ça avec un couple, Salim et Mara Brock Akil, qui ont écrit une petite série qui s'appelle The Game. Et donc, la particularité du... Enfin, c'est pas une particularité, mais vu l'état des États-Unis à l'heure actuelle et du monde en général, c'est l'une des rares séries qui aurait un personnage afro-américain comme héros, vu son nom, Black Lightning. Et donc, si jamais la série arrive, on ne sait toujours pas quelle chaîne, puisque c'est pas développé pour la CW. Ce sera pour n'importe quelle chaîne, celle qui en voudra. Qui en voudra, surtout, parce qu'avec un personnage aussi obscur... Bah oui, puisque la manière dont il le résume, c'est l'histoire de Jefferson Pierce, qui a abandonné son identité secrète il y a plusieurs années. Donc apparemment, c'était déjà un super-héros avant. Sauf qu'il est obligé de ressortir le costume quand sa fille est impliquée dans une histoire de gang locale. Ok. Voilà. Allez, une dernière petite news en bref du côté des séries télé. Et là, du côté de Marvel, c'est une autre série. Donc après tous les Netflix, ABC et Cloak & Dagger qui est développé, il y a une nouvelle série Marvel qui arrivera. C'est sur Hulu cette fois-ci, donc une plateforme streaming concurrent de Netflix. Et donc c'est une adaptation de Runaways, la série de Brian K. Vaughan, pour laquelle Joss Whedon a écrit au passage. Et donc la série sera écrite par Stephanie Savage et Josh Schwartz, qui ont écrit, oulala, Gossip Girl, mais mieux quand même, vie aussi, mieux connue sous le nom de Newport Beach. Voilà. Bon. Hulu, donc du coup, se lance dans le game, hein, et le gros concurrent Netflix, hein, qui se lance du coup dans les séries comics. Bon. Un jour, ils vont finir par tous avoir leur série. C'est ça. Et non, Amazon. C'est ça. Alors, je vous avais promis qu'on allait jouer. On va jouer dès maintenant. Dans chaque rubrique de l'émission, vous aurez des petites news que j'ai gardées secrètes dans le conducteur, mais que vous devez connaître si vous avez un peu suivi l'actu de la semaine, que je vous poserai sous forme de questions. Pour pouvoir donner la réponse, vous allez juste simplement donner votre prénom, hein, et puis celui que j'entendrai en premier pourra répondre. Un point par bonne réponse, et nous ferons le compte à la fin de chaque mois, déjà pour commencer, pour savoir quel est le vainqueur du mois, et puis on verra sur la saison complète qui aura été le meilleur élève, on va dire. C'est la rentrée. Première question, du coup, pour cette saison, qui concerne donc les séries télé, parce qu'on est dans la partie séries télé. La série Supergirl arrive aussi en France, au mois de novembre. Mais sur une chaîne un peu inattendue. Laquelle ? Arnaud. Oui. NT1. Pas du tout. Merde. Léo ? Paris Première. Pas du tout. Arnaud. Oui, Arnaud. Non ! J'ai dit avant. Non, Clément l'a dit avant. Clément, tu voulais dire quoi? HD1. Non, Arnaud. Série Club. Oui, Série Club. Oh, la série Supergirl arrive en novembre sur Série Club avant une diffusion a priori sur TMC. Du lourd. Ouais, du lourd, du lourd. Allez, on va continuer. Deuxième question. Qui est la babysitter qui s'occupe de l'enfant de Jessica Jones et Luke Cage? Et ça a un rapport avec la série télé, avec une série télé. C'est dans les comics, mais ça a un rapport Léo. Avec la série télé. Oui, Léo. Léo. Squirrel Girl. Oui, c'est Squirrel Girl. Et pourquoi je vous parle de Squirrel Girl alors, Arnaud? C'est toi qui m'en parlais avant l'émission. Parce que il y aurait une rumeur, c'est rien de confirmé, mais Marvel Television et ABC Studios développeraient une série Squirrel Girls and the New Warriors. Voilà. Donc c'est et pour ce ça. Serait une série plutôt comique qui durait une vingtaine de minutes et non une quarantaine. Avec Squirrel Girl, on a du mal à être sérieux. peut-être que je vais revoir mon jugement sur le personnage, hein, parce que j'ai prévu de lire la série comics avec tous les bons échos que j'en entends. J'ai envie de voir quand même. peut-être que je ferai mon mea culpa bientôt. Mais en attendant, ça reste quand même l'écureuillette en français. Donc voilà. Hein. Ouais. Allez, j'ai une petite question bonus du côté des séries télé. C'est quelque chose qui est tombé en fin de journée aujourd'hui. Si je vous dis The Ghost... Arnaud. Oui. Il y a eu la première image du Ghost Rider d'Agents of S.H.I.E.L.D. qui a été dévoilée. C'est pas ce que j'attends. Mais c'est un rapport avec Agents of S.H.I.E.L.D. The Ghost. J'aurais pu vous dire Legacy pour Arrow. Ah, vous séchez là. Ah, je sais. Oui. Non. Le titre du season première. Oui, The Ghost, le titre du season première de la nouvelle saison d'Agents of S.H.I.E.L.D. donc Legacy pour Arrow. Donc qui devrait introduire le Ghost Rider finalement dès le season première. Intéressant. Moi je l'attendais un petit peu plus loin dans la saison. Mais visiblement, ABC a décidé d'y aller franco dès le départ. Ils n'ont plus rien à perdre de toute façon. Ouais, bon non. De toute façon c'est la dernière saison a priori, donc autant se faire plaisir. Oui, c'est sûr. Voilà. Allez, on va continuer avec une nouvelle rubrique qui reprend une ancienne émission qu'on faisait avant, les émissions versus. Je sais que vous les aimez bien, que vous les aimiez bien. On avait fait Marvel versus DC sur toute une émission, etc. Donc on va se faire des petits versus comme ça chaque semaine qui correspondront à la question de la semaine qui sera posée sur le site. Et le versus de cette semaine, puisque Marvel l'a annoncé dans l'été en tant que nouvel event, enfin le quatrième, cinquième de l'année, qui arrivera donc à toute fin d'année juste après le dénouement de Civil War 2, c'est-à-dire la semaine après. Inhumans versus X-Men. Alors qui est pour quel côté du coup, qui choisirait les Inhumans, qui choisirait les X-Men ou qui ne choisirait personne? Arnaud, Inhumans ou X-Men? Inhumans. Et pourquoi Inhumans? Je sais pas, les X-Men m'ont toujours ennuyé dans les comics. Mm-hmm. Les films, je suis pas un grand fan des films, mais je les aime bien, mais j'ai jamais eu une grande envie de lire les comics X-Men et la plupart de ceux que j'ai lus m'ont ennuyé. J'ai le run de Whedon, mais même lui me convainc pas à me lancer dans la lecture. Hein. Oh là là. Donc c'est pour dire à quel point. On est que dans la partie télé et Arnaud a déjà réussi à placer deux fois Joss Whedon. Ouais, c'est ce que. Même moi, j'ai pas passé autant de fois David Tennant. Belle performance. Et boum, une petite fois comme ça. Allez, bien joué Léo. Voilà. Non, mais je sais pas. Dans les Inhumains, j'aime cette idée d'organisation royale, c'est plus qu'une famille. Les X-Men se considèrent plus comme une grande famille, hein. Alors que là, il y a quelque chose de la royauté, d'une vraie organisation, alors que les X-Men sont un peu désorganisés. Il y en a un X-Men qui arrive comme ça, il découvre ses pouvoirs, on essaye de le choper. Alors que les humains, il y a tout un rite aussi pour savoir qui a le droit de passer par Théragenèse, merci. Il y a toute une question de savoir qui a le droit, est-ce que tout le monde y a le droit ou pas, et comment choisir qui a le droit si tout le monde n'y a pas le droit. Il y a plein de questions comme ça qui peuvent être posées, qui peuvent être une source pour les scénaristes. Alors que les X-Men, c'est comme ça, c'est dans leur gène, ils sont obligés d'avoir leur pouvoir. Donc après, il y a d'autres différents types de questions qui va avec ça, parce que justement, on leur impose leur pouvoir, qu'ils le veuillent ou non. Donc c'est d'autres thématiques. Mais moi, je suis plus attiré par celle des Inhumains. D'accord. Clément, toi, tu serais plutôt tendance Inhumain ou plutôt tendance X-Men? Moi, j'aurais tendance à dire... Iron Fist n'est ni chez les uns ni chez les autres. Donc, ouais, mais j'aurais tendance à dire Inhumans, parce que depuis un certain temps, les X-Men, ça me saoule un peu en comics. En film, ça commence un peu à me gonfler aussi parce qu'il tire sur la corde et puis j'ai envie d'un peu de nouveauté. Puis c'est vrai, là, tout ce qu'a dit Arnaud, je suis plutôt d'accord avec lui, quoi. Je trouve qu'il y a vraiment un aspect qui est super intéressant chez les Inhumans qu'on trouve pas ou qu'on trouve plus forcément chez les X-Men. Donc ouais, Inhumans. Et Léo, dans la même tendance ? Non, à vrai dire, je pense exactement le contraire. Non, en fait, pour être plus honnête, je connais pas assez les Inhumains pour préparer toi. X-Men, bon, j'ai suivi la série animée quand j'étais petit. Un de mes héros préférés, c'est quand même le professeur Xavier. Donc, j'ai une vraie attirance pour les X-Men. J'ai un des gros comics que je possède, c'est justement Avengers contre X-Men. Enfin, c'est vraiment un. Enfin, l'univers m'a toujours bien plu, à vrai dire. Enfin, c'est le tout ça dans une école avec la figure tutélaire du prof Xavier et tout. Même la trilogie était une trilogie que j'aimais bien. Enfin, je peux me refaire les trois films de suite, ça m'emmerderait pas, alors que je les ai déjà vus plusieurs fois. Voilà, bon, même si les derniers films sont un peu pourris, il faut bien le dire. Hein, mais Puis la Stand, le 3. Non, mais bon. Il vient de dire qu'il pourrait se le refaire sans problème, on note. Non, mais ça va, c'est pas non plus honteux. Mais. Non, mais. Oh, quand même. Ça va, je le dis bien, vous inquiétez pas. Non, c'est plus, en fait, les Inhumains m'ont jamais encore complètement attiré. Après, comme l'a dit Arnaud, il y a plusieurs détails dans les Inhumains qui pourraient me plaire, etc. Mais je. Par tradition, entre guillemets, puis par. Depuis un certain nombre d'années, plutôt X-Men. Ok. Pour ma part, ce serait ni l'un ni l'autre. Ah oui. Juste les X-Men parce que, enfin, les Inhumains pour la période actuelle, oui, en ce moment, oui, les Inhumains, mais en même temps, on essaie un peu de nous les imposer, donc forcément, ils ont plus d'intérêt parce qu'on nous les met tellement en avant que, voilà, et on fait plus aucun effort sur la franchise X-Men, donc forcément, du coup, voilà, ils sont plus intéressants, mais par contre, sur leur histoire, les X-Men sont quand même, voilà, effectivement, comme tu l'as dit, Clément, tu as dit à un moment, dans les Inhumains, il y a des choses qu'on trouve pas, enfin, et tu t'es corrigé en disant qu'on ne trouve plus chez les X-Men, oui. Effectivement, on ne les trouve plus. Mais on les a trouvés. Après, il y a toute une thématique sur l'acceptation de l'autre, la tolérance. Exactement. Et ça, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est pour ça que, en ce moment, je préfère Inhuman. Mais c'est vrai que, et même dans le film, je trouve que c'est relativement bien exploité. En tout cas, il y a un texte sous-jacent, c'est qu'il y a toute une question sur l'acceptation de l'autre, sur tout cet aspect-là. Et c'est vrai que c'est la grande force, on va dire, des X-Men, même si c'est plus vraiment quelque chose qu'on trouve en ce moment, malheureusement. Voilà, et puis les Inhumans attendent encore leur grand run, hein, parce que quand même les X-Men par Chris Claremont, voilà, on en parle encore, alors que ça fait quand même un sacré paquet d'années que c'est passé. Les Inhumans, en attendant, ils ont eu Jaeli et des choses comme ça, mais ils attendent encore, je pense, leur grand run. Et je suis pas sûr qu'il l'ait maintenant que une série ongoing, ça dure 6 numéros chez Marvel. C'est pas faux. Voilà. Et puis pour vous, auditeurs, est-ce que vous avez eu aussi à trancher cette question ? Alors pour vous, c'est plutôt clair. Hein. C'est les X-Men à 53%. Ah ouais. Il n'y a pas d'appel, c'est les X-Men à 53%. Inhumans 28% et une égalité à 20%. Voilà. Donc du côté des auditeurs, on choisit clairement le camp des mutants. Peut-être cette prime, voilà. À l'histoire. C'est possible parce qu'ils sont plus implantés aussi. Oui. Plus implantés, oui, ils sont plus connus. Possible aussi. Mais en tout cas, voilà. Ça a pu jouer un petit peu. C'est les X-Men qui emportent du coup ce versus d'une courte tête, hein, puisque la voix des internautes primera, hein, dans en cas d'égalité. Donc du coup, ce sont les X-Men qui emportent le versus contre les Inhumains. On aurait pu vous faire d'autres versus, hein, puisque on nous en a annoncé, hein, c'est un peu la mode en ce moment chez Marvel. Oui. Mais on va passer aux comics VF, et c'est toi Clément qui t'en charge cette semaine avec quelques petites choses sympas. Oui, donc c'est dans l'intendance, hein, de Urban Comics à, on va dire, rendre accessible, ou en tout cas inciter les lecteurs à lire et acheter du comics VO. Donc, VF, pardon. Je vais dire indépendant. Oui, indépendant. On avait par exemple, il y a eu les deux tomes de Saga à 20 euros. On a en ce moment 8, qui est excellent, qui est à 10 euros. Et Urban a sorti un pack des tomes 1 et 2 de Black Science, donc à 20 euros, donc disponible en librairie. Donc 20 euros au lieu de 30 pour les deux premiers tomes de Black Science, qui est là aussi une grande série actuelle. Enfin voilà, du côté de la gamme Indies Urban, enfin voilà, on a quand même des ouais. Descenders, des Autumnlands, des Ouais, Sagas, il y a du très lourd. des Black Science, des Deadly Class. Enfin, il y a quand même Ouais. de sacrés gros noms, quoi. C'est limite plus prestigieux que ce qui se passe chez DC. C'est clair. Voilà, Urban de plus en plus, voilà, numéro 1 sur Oui, l'indé, c'est ce que de plus en plus. j'observais, ouais. Et voilà, et à chaque fois des tomes 1 à 10 euros, donc bah ouais, c'est cool, quoi. Et alors les sorties de la semaine, si je vais cette semaine en librairie, ou même en kiosque d'ailleurs, enfin non, il n'y a que de la librairie cette semaine, qu'est-ce qui sort et qui est important? Alors, on a des sorties chez Bliss Comics. Oui. Donc, deux sorties. Donc, le tome 1 de Ninjak. Ouais, ah, celui-là il est attendu. Hein. Ouais, Oui. je t'avoue qu'il sera à 10 euros, j'imagine. Oui, il sera 10 euros. Non, en plus, parce qu'il y a Plus. beaucoup d'épisodes. Non, D'accord. Ninja qui a 10 euros, c'est Rai qui sera plus cher. Ah oui. D'accord. Donc, bah voilà, c'est Valiant, donc on l'attend. Et le tome 2 de Bloodshot Reborn. Et celui-là, on l'attend encore plus. C'est clair. Et il sera à 13,90. Et donc, sinon, du côté de Panini, on a le droit au tome 4 de Miss Marvel à Star Wars Vador. Vador abattu. C'est vraiment ça le titre? Oui, c'est Star Wars, Vador abattu. Vader Down en VO, ils l'ont traduit par Vador abattu. Mais c'est moche. Ouais, c'est moche. Ils auraient mieux fait de laisser Vader Non, Down. mais j'ai cru que tu avais fait exprès de le mettre sur le conducteur, Non, mais. non, non. Ah ouais, Star Wars Vador abattu. Ok. On a aussi, et là c'est du côté de Urban de nouveau, donc du côté de DC, on a Deadshot et les Secret X. Voilà, pour ceux qui ont envie de lire de la Suicide Squad, enfin, ou des titres parallèles à la Suicide Squad, voilà, qui ont envie un peu Voilà. de se rincer après avoir vu le film, bah ben voilà, vous avez ça. Bon, bah ben voilà pour la VF, pas grand-chose dans hein, cette tradition, hein, y a Et pas. le tome 6 de Saga qui sort en octobre. Voilà, mais là, on a le temps puisque ce ne sont que les sorties de la semaine. Mais tu fais bien de le dire puisqu'il arrive et il est anthologique celui-ci. Ah, j'ai hâte. Ouais, non, c'est vraiment un très très un des meilleurs depuis le départ. Ouais, ce tome 6 est Ah vraiment. ouais? Mieux que le Bloodshot Dragon? Tu verras, c'est autre chose. Ah. Peut-être qu'il y a toujours des dragons, tu verras. Oh. Allez, on va passer au chiffre de la semaine maintenant. C'est un chiffre que je vais vous donner et il va falloir deviner à quoi il peut correspondre. Vous avez le droit de poser autant de questions que vous voulez, auxquelles je n'en pourrai répondre que par oui ou par non. Si vous avez une réponse, comme d'habitude, vous donnez votre prénom. Vous pouvez poser les questions sans donner votre prénom, mais dès que vous voulez donner la réponse que vous pensez être la bonne, vous donnez votre prénom. Le chiffre de la semaine, c'est 12 millions. C'est le nombre, Léo. Oui. Bon, je tente n'importe quoi, mais c'est le nombre de comics DC Rebirth vendus. Oui, c'est le nombre de comics Non. DC Rebirth Pardon. vendus Sans déconner. cet été. Oui. Wow. Non. C'est le Alors hasard. bravo Léo, parce que je pensais que vous alliez galérer un petit peu plus avec celle-là. Quand j'ai vu passer Attends. la news, j'ai dit je la mets de côté parce que celle-là ils trouveront jamais. Attends, Léo, tu m'as troué le cul. DC Rebirth en général ou vraiment le numéro de DC Rebirth? Alors, DC Rebirth a communiqué très récemment, dans les derniers jours, pour dire qu'ils ont envoyé dans les comic shops 12 millions de copies de leur single estampillé DC Rebirth. Ah mais Pas c'est le one shot, Ah mais oui, pas le one shot, mais ça c'est ferait un peu énorme. beaucoup quand même pour un Mais one shot. c'est énorme. Enfin, Et ouais. 12 millions de 12 copies millions. sur. C'est juste les Non. Rebirths, hein. On parle pas des titres qui étaient encore en train de Ouais. continuer les New 52 ou du relaunch de la gamme Hanna-Barbera et compagnie. Non, on ne parle que des titres Rebirths. Attends. C'est pour ça Ils annoncent du que. coup avoir vendu 12 millions. C'est C'est énorme. énorme. C'est pour ça que je pensais pas donner la bonne réponse. Mais là, je fais n'importe quoi. Enfin, je dis un truc complètement à la main, mais Eh c'est ben écoute, hallucinant. Léo, bravo, parce que là, vraiment, tu marques un point vraiment mérité. Et du coup, je vois que tu m'as un peu troué le cul. Pour rentrer un petit peu dans le détail, parmi toutes les séries Rebirth, tous les singles publiés du coup dans l'été, hein, puisqu'ils s'arrêtent au mois d'août hein, pour ces chiffres-là, 21 des numéros Rebirth sont retournés plusieurs fois à l'impression, c'est-à-dire qu'ils ont eu au moins des Ouais. third prints. Ah 21. ouais. Putain. 60, plus de 60 ont vendu plus de 100 000 exemplaires. Oh, c'est Et énorme. combien? Plus de 60. Ah vache. C'est quand même assez impressionnant. Ouais. Et 11 issues ont vendu plus de 200 000 unités. Oh la vache. Voilà. La Oh, palme va au All-Star Batman numéro 1 qui en est à plus de 400 000 pour sa part. putain. C'est la série de D'accord. Snyder, hein? Ouais, Ouais, c'est la série Snyder. Snyder. Donc du coup, bah, 12 millions multipliés par 3 $ le titre, ça fait 36 millions de dollars engrangés juste sur Rebirth, sachant que tout parmi elles, il y a 400 000 copies qui sont vendues au double, donc du coup, on est pas loin des 37 millions de dollars grâce à l'initiative DC Rebirth, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce que la firme pouvait engranger avant, hein, clairement. Ouais. Les gros succès, c'est Superman, c'est Batman et c'est Wonder Woman. C'est voilà, la Trinité fonctionne bien en single. Les Detective Comics et Action Comics fonctionnent très bien aussi. Flash fonctionne bien à nouveau. Voilà, c'est de bon augure pour DC, hein, qui a mis, on le sait, hein, en juillet, une sacrée branlée à Marvel en termes de ventre, hein, puisqu'en sortant un tiers de titres de moins que Marvel, ils ont réussi à se hisser en tête assez largement. Donc, belle branlée de la part de DC sur les ventes de juillet. On va guetter celles d'août qui vont tomber dans la semaine. Mais enfin, vu ce qui est annoncé avec ces 12 millions de ça risque d'être encore une branlée. Ça risque d'être encore le cas et c'est très bien pour la concurrence, je trouve. Défaut de réussir. Ouais. Très bien pour le marché. Mais non, ils peuvent mettre un peu d'argent dans le développement. ouais, pour payer quelqu'un, un vrai scénariste peut-être. Ouais. C'est ça. Un vrai président aussi. Avoir... Bah, ils ont Geoff Jones maintenant. Non, je voulais dire chez Warner. Et des vrais producteurs aussi. Ouais. Donc du coup, voilà, ce chiffre de 12 millions, c'était le chiffre de la semaine. Bravo, Léo. Dommage pour toi, ça ne te rapporte qu'un point, comme toutes les questions. Mais tu es quand même en tête sur cette émission de rentrée et c'est pas mal. On va continuer avec le ciné. Et ben Léo, parce que tu es en forme, tu vas garder la main. Parce que c'est toi qui nous fais les news ciné cette semaine. Alors, la meilleure nouvelle, enfin pour moi c'est une mauvaise nouvelle parce que j'avais vraiment pas du tout aimé le personnage dans le film. Michael Peña, qui jouait Louis dans Ant-Man, est de retour pour Ant-Man and the Wasp, youpi. Ben, moi je dis youpi parce que j'avais bien aimé Michael Peña. C'est la seule chose potable dans le film. C'était une des seules choses, ouais, voilà, qui marchait donc. Je l'ai trouvé consternant, mais bon, attention. Enfin, j'ai jamais aimé Michael Peña, à vrai dire. À chaque fois que je l'ai vu, il m'a donné envie de lui coller des tartes. D'accord, tu auras encore envie une fois de plus. Oui, bah, de toute façon, Ant-Man était déjà pas. Enfin, c'était moyen, donc espérons qu'Ant-Man and the Wasp au moins soit mieux. Deuxième chose, Return of the Conqueror. Là, c'est de la grosse info de l'été quand même. Ouais. C'est quand même du sérieux et c'est quand même genre un événement parce que on sait que le bonhomme qui va mener le doublage est quand même une institution. Return of the Caped Crusaders, qui est le film d'animation avec le retour des voix originelles de Batman, Robin et Catwoman de la série 66, donc Adam West. J'ai oublié Burt Ward. Et j'ai oublié le nom de Catwoman. Je crois que l'actrice est morte, non? Elle, j'arrive pas à me rappeler. Enfin, en tout cas, Adam West revient en Batman, mais pour le doublage, mais c'est quand même cool. Et il sortira donc le 11 octobre en digital, le 1er novembre en Blu-ray aux États-Unis, donc en France, on ne sait pas. Dans la foulée. Dans la foulée, probablement, oui. Et un trailer a déjà été dévoilé avec quelques petites images, quelques petits trucs qui rappellent donc ce fameux film de 66. Et puis toute la série qui avait suivi, toute la série télé qui est liée aussi. Hein. Toute la suite série, bien entendu, avec ces fameuses bulles un peu. Les automatopées sur l'image, à chaque les coups de poing qui sont. Tout ça qui apparaît à l'écran. La voix. Alors Adam West, par contre, j'ai un peu l'impression que Batman sort d'un EHPAD parce qu'Adam West a quand même une voix qui a bien vieilli et ça s'entend sur son doublage sur le trailer. Vraiment, hein, on entend que le monsieur est vieux, alors que Burt Ward, c'est le Robin d'il y a 50 ans, c'est assez incroyable. Ah bah ça se sent au moins. Oui. Assez incroyable, il a une énergie dans la voix et l'espèce de tonalité qui est la même que celle qu'il avait en 66, et c'est dingue. Et en tout cas, en ce qui concerne Adam West, 80 et quelques ballets, déjà il revient au doublage pour voilà. Il s'est payé une petite apparition dans The Big Bang Theory pour le 200e épisode de la série, où il était là parce que ça a été un Batman un peu légendaire au milieu de cette contrée geek. Et là, maintenant, du coup, on lui confie, quelque part, le doublage de son personnage. 50 ans après, c'est beau, il faut bien le dire, c'est beau. Puisqu'on est dans l'année encore des 50 ans de Batman 66, donc voilà, c'est beau, on a quelque chose qu'on n'attendait pas, et en voyant le trailer, moi après j'ai une affection particulière pour cette série 66 et pour le film, mais on est à la maison, quoi. comme quoi, tout y est. Un petit cœur, un tout petit peu. Non, mais tout y est, jusqu'à la police utilisée, enfin, effectivement, les onomatopées qui apparaissent, enfin, tout est là dans ce trailer. C'est la musique, enfin, tout, quoi. Tout le Batmobile, enfin, ouais, c'est. Voilà. Ouais, vivement le mois d'octobre, novembre, en tout cas, on vous en parlera sur nos écrans, ça, c'est certain. On va bien se marrer, ça devrait être sympathique. Et est-ce qu'on va se marrer avec la suite des news que tu as à nous annoncer? Ah, la news qui a excité les internets il y a quelques jours, alors que concrètement, ça ne nous avance pas à grand-chose de plus. Et puis surtout, est-ce que ça diminue notre peur? La question se pose. Ben Affleck a lâché sur Twitter, sans plus de commentaires, une vidéo en CGI montrant Deathstroke avec la même gueule que quand il apparaît dans Injustice, le jeu. Qu'est-ce qu'on doit en tirer? Pas grand-chose. La gueule de Deathstroke un peu habituelle, hein. Il n'y a pas de. Voilà. Ouais, il a pas des... rien d'exceptionnel. Oui, voilà. Enfin, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est bon, c'est rien. C'est juste voilà. Ça. Enfin bref, il nous a mis Deathstroke, tout le monde s'est excité. On a dit, ah, Deathstroke, il va arriver, peut-être le méchant du film Batman. Non, apparemment, il pourrait faire du film peut-être. En film. Enfin... Les gens s'excitent pour rien, on sait rien du tout. Il y a une vidéo et aucun commentaire. Voilà, un peu d'écran de fumée, beaucoup de bruit pour rien, bref. On n'en sera pas plus avancé tant qu'on n'aura rien vu. Tant qu'on aura un pas petit vu commentaire, tout. Arnaud J'y ai pensé. J'ai failli faire une troisième référence à Weddle. Beaucoup de bruit pour rien, Léo, c'est pour ça. Oui, oui. Et la dernière nouvelle, c'est une nouvelle un peu marginale par rapport à tout ça. C'est grâce à Clémence ici dans le conducteur, parce que je l'avais oublié. Bah, eh bien donc, bravo Clément, mais est-ce qu'on en aura quelque... enfin, est-ce que ça nous donnera plus d'intérêt, bah, ça va. Un premier trailer a été lâché pour Max Steel. Qui est un film Mattel, adapté des figurines Max Steel. Et c'est un film de super-héros, hein, donc du coup, ouais. S'il y en est plus d'un à le voir, il y aura un sur nos écrans là-dessus, je vous le dis tout de suite. On a fait Big Hero 6, il n'y a pas de raison qu'on passe à Max Steel. Et oui, n'empêche, c'était Marvel, hein. La bande-annonce n'empêche, elle est super efficace, ouais. Moi je me suis fait chier. Le film va sans doute être nul. Peut-être que le film va pas être bon. Peut-être que tout ce qui fonctionne et ce qui est bien fait dans ce film-là se retrouve dans le trailer. Mais on se retrouve quand même avec un trailer hyper efficace. Et moi, je me suis dit, bah écoute, je vais peut-être prendre mes popcorn et aller le voir. J'ai bien envie. Je vais aller poser mon cerveau 5 minutes peut-être. On verra. Mais en tout cas, voilà, je suis pas à côté d'un trailer pour Teenage Mutant Ninja Turtle, enfin je veux dire Max Steel, voilà quoi, il vole le jeu, hein, de loin. Ouf. Ah bah si, TMNT 2, vous avez vu les trailers s'il vous plaît? Non, j'ai un peu de dignité, j'ai pas regardé les trailers. Bon bah voilà, moi je les ai regardés, et ben je peux vous dire que c'est une Max Steel est bien mieux. Ouais, je sais pas. Donc à voir, ça sera mon indéfendable de la saison. Ouais, c'est ça. On sait même pas quand ça va sortir d'ailleurs, y a pas de date. Non, y a pas de date. Si, 14 octobre aux États-Unis. Ah bon, j'ai pas vu de date sur les sites un peu spécialisés. Ben écoute, très bien, ben ça arrivera plus tôt que ce qu'on pense. Et bien écoutez, on a une belle semaine. Le 11 octobre, on a Return of the Caped Crusaders. Et le 14, on a Max Steel. Moi je dis. Si ça c'est pas beau. Ça c'est pas une belle semaine, pour peu que Gotham vienne se mettre là-dedans. Allez, c'est parti quoi. Allez, on va arriver. Il a pas de date en France. Ah, c'est triste. On va arrêter avec les news ciné en bref, mais c'est pas tout du côté des news ciné, parce qu'on a encore une question. Alors ça devrait aller très vite, normalement ça devrait aller très très vite. Je vais vous demander, toujours vous donner votre prénom, hein, pourquoi a-t-on récemment beaucoup entendu parler, pendant 24 heures à pas se mentir, hein, du réalisateur Doug Liman? Léo. Parce qu'il a quitté Gambit, le tournage de Gambit, et qu'il est allé se positionner comme réalisateur de Justice League Dark. Bah, je pense que t'aurais pas pu dire mieux, Arnaud. Oui. Effectivement, Doug Liman a planté Marvel et c'est quoi, c'est Fox Gambit. Oui. Ouais. Donc il a planté ces gens-là et a laissé Gambit en rade pour prendre le projet Justice League Dark en main. Voilà. Dark Universe, hein, voilà, mais c'est le autour de la Justice League Dark. Gambit qui perd son deuxième réalisateur. Ouais, même pas un an. Est-ce que ce film va finir par voir le jour? Je ne pense probablement pas. Parce que Channing Tatum a déjà failli y claquer la porte. Non, mais moi je dis, si ce film sort, C'est un miracle. Si malgré tout ça, ils arrivent à sortir ce film, moi, j'arriverai pas à lui mettre moins de 2 pour la note. Hein. Non, mais en pour l'effort. La prouesse. Pour l'effort. Ouais, mais s'ils font un film, ça va être une daube. Mais c'est pas grave. Ils sont, je veux dire, ils l'auront fait. Tu te rends compte par quoi ils seront passés? Ah ouais, non, mais j'avoue, ça fait tellement de temps qu'on en parle et ils sont tellement passés. Et Justice League Dark aussi. Hein. Oui. Parce que c'était Benicio del Toro quand même, pas Benicio, ouais. Guillermo del Toro. Maintenant, il a été viré du projet. Oui, mais à la base, c'était son projet. Il a même donné son scénario à Warner, qui apparemment l'a viré puisqu'il est plus dans le communiqué. Ils ont engagé une autre personne pour écrire le scénario. Non, mais les mecs, c'est normal. C'est de la créativité. Warner DC, ça fait deux. Et du coup, la créativité de del Toro, donc moi, ça me dérange pas. Donc du coup, Doug Liman arrive sur ce projet Dark Universe. Bon. Maintenant, est-ce que ça verra le jour, ça aussi? Ouais. On n'en est pas là. Toujours est-il qu'il se... Surtout qu'il y a toujours le film d'animation en parallèle. Oui. Un vrai qui s'appellera, pour le coup, lui, vraiment Justice League Dark. Ouais. Si le film Justice League Dark ne fonctionne pas, est-ce qu'ils vont insister avec Dark Universe? Je suis pas sûr. Je ne sais pas. Ça peut servir de test aussi. Allez, avant de passer aux comics VO, une petite citation, la phrase de la semaine. Qui a dit... Alors, je vais vous la faire en français. Hein. Ils ne me donnent que quelques secondes et ils ont peur que je vole le show. Enfin, que je mette les stars dans l'ombre. Vous savez que c'est comme ça. Ils ne me donnent que quelques secondes et pourtant, ils ont peur que je mette les stars dans l'ombre. Oui, Léo? Je tente. Hein. Jared Leto? Non. They only give me a few seconds and they are afraid I'll overshadow the star. You know how that is. Clément? Oui. Robert Downey Jr. Non. Bon, Robert Downey Jr., on lui donne il pas... Il a plus de quelques secondes. Hein. Il a plus de quelques secondes, Robert Downey Jr. De quelques millions. Ah. Chercher quelqu'un à qui on ne donne que quelques secondes, mais qui pourtant éclipse... Enfin, voilà, qui pourtant éclipse les stars. C'est au niveau des films Marvel? Oui, monsieur. Arnaud? Oui. Éclipse, je pense pas, mais Thanos? Non. Josh Brolin? Non. On voit quelques secondes, mais... Non. Ah, Clément? Oui. Stan Lee? Oui, c'est Stan Lee. Stan Lee a dit ça cette semaine en marge d'une conférence, d'une convention à Baltimore, je crois, la Baltimore Comic-Con. Puisque ces trois prochains caméos ont été officialisés, dans Doctor Strange, Spider-Man Homecoming et Guardians of the Galaxy Volume 2, qui seront donc ses 28, 29 et 30e caméos cinématographiques. Oh, mal à 93 ans. Quand même. Et du coup, voilà, quand on l'a interrogé là-dessus, il a dit, on lui a demandé, est-ce que c'est vous qui choisissez ces caméos ou est-ce qu'ils vous sont imposés? Il dit non, c'est eux qui choisissent tout. Si ça ne tenait qu'à moi, je prendrais une demi-heure d'écran. Mais vous savez, ils me donnent déjà que quelques secondes et ils ont quand même peur que je mette les stars dans l'ombre. Ah bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Stan Lee, quoi. Donc voilà, moi j'ai trouvé, voilà, ce papy Stan Lee, voilà, et toujours. C'est un monument. Toujours en forme et ça fait plaisir. Qui m'a donné la réponse? C'est Arnaud, je crois. Non, c'est moi. Clément. Oh là, t'offusques pas. Allez, on va passer au comics VO. En bref, Riri Williams. Quel nom. Ouais, quel nom. Je pense que son frère, c'est Fifi. qui sera la prochaine hôte de l'armure de Tony Stark prendra le nom de Ironheart. Voilà. DC a annoncé un crossover Justice League versus Suicide Squad. Bah tiens donc. Et ça commencera ça s'étalera sur décembre et janvier en 6 numéros. 2 numéros de Justice League, 2 numéros de Suicide Squad, et puis 2 numéros Justice League versus Suicide Squad 1 et 2. Voilà, ça sera décembre et janvier chez DC. Justice League, un titre de merde dans le Rebirth, et ça je pèse mes mots en disant ça. Versus Suicide Squad, un autre titre de merde dans le Rebirth. Autant vous dire que le crossover, j'ai hâte. Inhumans vs X-Men n'est pas encore lancé, qu'on sait déjà que ce qui va prendre la suite, c'est X-Men Inhumans Resurrection, avec le X en majuscule. Voilà. Donc ils sont pas morts, ils sont déjà ressuscités. C'est bien. Ouais, c'est cool. Bon. Bah, marketing à la Warner. Marvel. Non, mais marketing à la Warner qui t'annonce le casting de Justice League où Superman apparaît avant de voir sa mort. Bah oui. Donc marketing à la Warner. Normal. J'ai trois petites questions. Non, je vais pas la faire sous forme de questions, celle-ci. Star Trek Discovery, vous savez, la série va arriver là sur les internets, parce que ça va être une série sur CBS All Access. Il a été annoncé ce week-end qu'il y aurait des livres et des comics qui seraient tie-in à la série, qui seraient publiés en même temps ou après la série télé. Yes. Voilà. J'avais vu ça, j'aurais pu répondre. Eh ouais, eh ben non. Et est-ce que t'as vu les Harvey Awards? Non. Les Harvey Awards 2016, l'autre grosse cérémonie d'awards de l'année, hein, avec les Eisner, donc les Eisner à San Diego, les Harvey Awards à Baltimore Comic Con. Eh ben, si Saga a tout perdu au Eisner, Saga a tout gagné, hein, du côté des Harvey. Alors, Saga, meilleur cover artist pour Fiona Staples, et c'est vrai que ses couvertures sont magnifiques. Meilleure série ongoing, meilleur scénariste, meilleur artiste. Est-ce qu'on a une autre? Non, je crois que c'est tout. Enfin, ça fait déjà 4, vous me direz. Déjà pas mal. C'est le Job Dragon. C'est pas mal. Ouais, c'est tout. Brian K. Vaughan qui gagne aussi Paper Girls, meilleure nouvelle série, hein, pour cette année. Le prix de l'humour dans les comics a été attribué pour la deuxième année de suite à Chip Zdarsky pour Howard the Duck cette fois-ci. Et puis bah voilà pour les grands vainqueurs. Mais en tout cas voilà, Saga a pris sa revanche des Eisner et a tout raflé au Harvey cette année. Voilà. Il y a une justice quelque part. Il y a une justice. Allez, la question que j'ai à vous poser concernant les comics VO. Quel est le point commun entre les trois artistes Robson, Roca, Otto Schmidt et Rafa Sandoval? Clément. Oui. Ils vont bosser sur un futur titre? Non. Robson, Roca, Otto Schmidt et Rafa Sandoval. Ils ont un point commun, ils ont fait objet de la même news. Clément? Oui. Ils sont devenus exclusifs soit chez DC ou Marvel? Ah bah, tu crois que tu peux avoir le beurre, l'argent du beurre, fromage ou dessert? Non, tu me donnes une réponse. Non, je crois qu'ils sont devenus exclusifs chez Marvel. Non. Ah putain. Arnaud? Oui. Bah, ils sont devenus exclusifs chez DC pour Rebirth. Oui, Arnaud. Connard. Léo Talon m'a volé ma réponse, alors je la récupère. Robson, Roca, Otto Schmidt et Rafa Sandoval ont signé un contrat d'exclusivité chez DC Comics. Rafa Sandoval vient de chez Marvel. Pour sa part, Otto Schmidt est le dessinateur actuel de Green Arrow. Très bon dessinateur. Et j'ai une autre question du côté des comics VO, qui va être celle qui va vous départager, puisque c'est la dernière question de cette émission. Pour moi, vous êtes tous à égalité de 2 points. Donc, qui va gagner cette première émission? On va le savoir là. Et vu la question, j'ai ma petite idée. Iron Heart, je vous en ai parlé, Iron Heart, qui est la Riri Williams qui va prendre l'armée de Tony Stark. Iron Heart, c'est un nom qui pourrait bien embêter Marvel. C'est un nom qui a fait beaucoup jaser quand il a été annoncé. Pourquoi? Donc Iron Heart, c'est cette femme qui est dans l'armure d'Iron Man avec un espèce de cœur à la place du réacteur, etc. Enfin voilà, armure très féminine, etc. Et Iron Heart, voilà, c'est... Oui. Parce que c'est, oui, le nom d'une... c'est le nom d'une parodie porno. Oui. Iron Heart, c'est le nom d'un personnage féminin en armure dans la parodie porno d'Iron Man. Non. Allez, con. Ah, les abrutis. Je pensais que c'était... Vu la question, j'avais mis un petit pièce sur Clément. Ah non, mais franchement, ça n'était pas du tout. On apprend. Donc voilà, oui, ça tout de suite, hein, suite à l'annonce, dans l'heure qui a suivi, voilà, il y a des petits malins qui sont allés déterrer ça. avec photo à la pluie, c'était une parodie porno asiatique. Donc si vous cherchez Iron Heart Movie, vous pourrez la voir. Et du coup. Pas sur la fiche, ça fait pas trop. Du coup, Marvel n'a pas très très bien. Ça fait pas trop parodie porno quand tu vois la fiche. Non, la fiche, ça parce va. Parce que c'est une photo, voilà, que c'est les premières photos Google, mais si vous allez chercher un petit peu loin, vous trouverez peut-être un peu plus, mais je vais pas non plus vous inciter. Ouais, non. Voilà, ça ira, n'est-ce pas? Eh bien, écoute, Arnaud, avec 3 points, c'est toi qui est le gagnant de cette première émission, de ce premier MAG Nouvelle Génération. Clément et Léo, vous avez marqué 2 points pour votre part. On fera le total à la fin du mois, hein, sur tous vos points, mais pour le moment, c'est donc Arnaud, le vainqueur pour ce début de saison. Arnaud qui a un peu tendance à gagner souvent quand on fait les choses pour la première fois. Mais après, ça devient... Mais après, merde. On va pas tout spoiler, vous êtes encore en train d'écouter les Infinite Wars, mais est-ce qu'Arnaud va garder son titre? Oui. Peut-être. Ou pas. Allez, ça. Allez, voilà, on en a terminé. On en a terminé pour ce premier MAG. Le MAG de rentrée, les prochains rendez-vous, c'est Outcast saison 1, le débrief. Eh bien, juste Arnaud et moi, on se retrouve jeudi pour ça. Un petit débrief de la saison 1 de la série adaptée des comics de Robert Kirkman. Spoiler, c'est génial. Oui. Le prochain MAG, c'est mardi prochain, le MAG numéro 52. Ah. Avec un numéro comme ça. On va peut-être faire un petit truc, on verra. Et puis samedi, vous aurez le round 3 d'Infinite Wars et le round 4 dimanche, puisque vous savez, c'est 2 rounds par week-end pendant tout le mois de septembre avec la finale dans la foulée. Et enfin, le vainqueur va pouvoir laisser éclater sa joie qu'il contient depuis plusieurs semaines déjà, parce que nous, on sait déjà depuis plusieurs semaines qui l'emporte. Ah, c'est moi, ça, bien sûr. Il va la laisser éclater, va. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur cette émission, à nous donner votre avis sur ce nouveau mag avec des petites questions, un mag un peu plus ludique qu'auparavant, mais toujours axé news quand même, hein, on reste sérieux même si on s'amuse et qu'on se fait des coups de pute. N'hésitez pas donc à nous laisser des commentaires, nous poser des questions également et puis à répondre au versus de la semaine prochaine. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas encore. D'ici là, évidemment. La mort ou le suicide. Oh putain. Voilà, bon bah écoutez, ça sera le fist versus le chichi peut-être, on verra. Allez, bonne semaine, bonne lecture, bonne série. Salut. Salut. Salut.